La mer, dont chaque lame ébauche une tendresse, ou voile une fureur. La mer plane ou sauvage. La mer qui inquiète et angoisse et oppresse de l'ivresse de son image.